Puis là, chercher des gens avec qui tu peux créer des mots. Puis tu commences lentement à créer des mots, lentement à créer des mots. Puis éventuellement, t'es pas mal bon à créer des mots. Puis éventuellement, t'es très bon à créer des mots. Mais à ce moment-là, tu n'as plus besoin des hommes. Mais tu as besoin de relations humaines conscientes. Grosse différence. Avoir besoin d'une relation humaine consciente et avoir besoin des hommes. C'est plus d'amitié, ça. Moi, j'ai besoin dans ma vie de relations humaines conscientes. J'ai besoin d'y voir la binette de temps en temps. J'ai besoin d'avoir des gens avec qui je peux créer des mots. Parce que c'est ça qui me donne le plaisir de vie. Sans ça, je n'aurais pas de plaisir de vie. Parce que quand tu commences à créer des mots et tu vis dans ton esprit, tu peux pas vivre du plaisir astral, des choses de tes sens passés. Parce que ça, c'est trop fort, cette affaire-là. Ça veut toujours plus loin. Fait que tu as besoin d'avoir des relations humaines. Fait que tu les cherches, puis tu en trouves. Puis c'est avec ces gens-là que tu as du plaisir. J'ai invité des gens chez nous, là, parmi vous autres, dernièrement, hier. J'ai joué aux cartes jusqu'à 3 heures le matin. On a joué aux cartes. Ma femme a sauté de même, elle était contente. Pour nous autres, c'est nouveau de jouer aux cartes avec du monde. Mais avant, on était tout seul. Là, il commence à avoir du monde qui sont du monde. Fait que là, c'est le fun pour nous autres de jouer aux cartes. On n'a pas parlé des patins. Je joue au calme. On prend un petit drink. Ça partait plus. Tout bien les mettre à la porte. Parce que c'est le fun. Parce que l'affaire de créer des mots, j'en parle parce que c'est important d'en comprendre la mécanique, mais tu vis pas une de ça. Tu vis de jouer au calme puis prendre un petit drink. Parce que quand tu crées des mots, tu écris quand c'est. T'es écrit quand c'est le temps. Mais quand t'es pas habitué à créer des mots, pis t'as pas compris l'importance de te relaxer aussi, bon, mais là, tu viens de créer des mots. Fait que là, t'en manges, t'en fais des indigestions. Fait que s'il faut balancer. Fait que j'ai joué aux cartes hier jusqu'à 3 heures, j'ai eu du fun, je pense que je m'ai jamais amusé de même. Pis c'était un début pour moi. Là, on m'a rentré une table de poule. C'est fantastique, hein? Ma femme a trouvé ça super. Ma femme est sauvage, net. Ma femme, des amitiés, n'est pas intéressée à ça. Fait qu'il a fallu que je tente bien le terrain avant, que je sois bien sûr de mon coup. Pas que ça floppe. Parce que sans ça, des vibrations, hein? C'est un vrai radar, cette affaire-là. C'est pas du monde. Fait qu'on a eu du fun toute la soirée. On a même joué au backgammon. Parce que éventuellement, ben beau, créer des mots, parler, mais éventuellement, il faut qu'on s'amuse. Plutôt que créer des mots, il faut qu'on s'amuse. Moi, j'ai voué plus tard comment les gens pourront s'amuser. Mais les gens sont pas prêts dans quoi s'amuser. Parce que les gens encore parlent trop des mots. Fait que là, ça te vide. Tu peux pas vivre avec des gens ou t'amuser avec des gens qui parlent des mots. Tu peux vivre et t'amuser avec des gens qui créent des mots. Tu peux vivre des grandes périodes de temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu t'écœures jamais parce que tu crées toujours des mots. Puis si tu crées pas des mots, tu crées des actions. Tu joues au calme. C'est le même processus. Même chose. Créer des mots, créer des actions, c'est la même chose quand tu es conscient. Pas de différence. Même chose. Canalise l'énergie, c'est ça, par la parole. Que tu canalises par la parole ou par l'action, c'est la même chose. Mais si t'es pas capable de... Si tu parles des mots, tu pourras pas créer des actions. Fait que là, ça devient... Tu sens... On le sent que... On est mal à l'aise. L'énergie tombe, là, tu sais. Je veux dire quelque chose là-dessus. Ce qui est le même processus, là, hein? Ce qui quoi? Ce qui est le même processus dans le fait de créer des mots, dans le fait de jouer, c'est, oui. C'est la facilité. La quoi? La facilité, l'absence d'effort. Ouais. Parce que